Metro Games, j'ai pas de main. Metro Games, j'ai pas de main. Metro Games, j'ai pas de main. Metro Games, j'ai pas de main. Es malo pero no parece. Hace meses en su casa no aparece. Hablando claro ya la he visto un par de veces. En la discoteca dándole hasta abajo hasta que amanece. No me quería dar su celular. Ningún reto grande me va a quedar. Lo que hagamos aquí se va a quedar. Espero que si llamo vayas a contestar. Pueden estar todas buenas y ninguna como vos. De tanto tirar de labia que ya se me fue la voz. Ay, qué rico tú para hacerte el. Necesito tu phone pa' llamarte. Ya llegamos lejos, así que aquí no pare. Sabes tanto que entendiste las señales. Esto suena bien, y te mueves bien. Y yo de 10, hoy te doy un 100. Passe le mic, on verra bien ce que ça donne. Marini, donne le fun, c'est moi qui donne les ordres. Marini, passe le voir avant que sonne le gong. Pourquoi tu tombes le temps, c'est moi qui donne le ton. Marini. Yo tengo todo lo que necesitas. Ah, yeah, yeah. Aunque diga que no, yo soy el que te excita. Ah, yeah, yeah. Porque yo tengo todo lo que necesitas. Ah, yeah, yeah. Soy quien te da reggaetón, reggaetón. Je ne veux pas ton numéro, non, je suis bien plus intelligent. À l'abri de tout regard et toute forme de médisance. Je suis une star, je suis dans l'exigence. Tu me plais fort bien, monte dans la diligence. Ça vaut bien tout ce que je dis et prends-le comme une délivrance. Prends-le comme une délivrance que je te donne sous ordonnance. Tu te dis sûrement que ce mec est fou. Et tu te dis sûrement ce mec a des sous. Et pas la peine de te fatiguer à parler. Monte à bord du bateau, viens te dévoiler. Je suis le capitaine, il faut s'y faire. Si ça vous gêne, bah c'est la même. Passe le mic, on verra bien. Qu'est-ce que ça donne, Marini? Donne le fun, c'est moi qui donne les ordres, Marini. Passe le voir avant que sonne le gong. Pourquoi tu tombes le torse? C'est moi qui donne le ton, Marini.